7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la planète, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du matin, en pleine forme. Vous avez passé peut-être un bon et long week-end. On est heureux de vous retrouver ce matin sur la radio couleur jusqu'à 9h, c'est Francky. J'espère que tout va bien de votre côté, pas facile, hein. Je vais reprendre le taf, et ouais, c'est ce que me dit José. Ça y est, je suis dans le camion depuis 5h30, Francky. Et je suis content que tu viennes prendre l'antenne. Après RDP International, qu'on salue au passage. Coldplay qui arrive, on aura aussi Tony Carrera et on l'adore parce qu'on est partenaire au mois de janvier de Tony Carrera, ça sera aux Zénith d'Orléans le 21 janvier. Et bien il arrive, le beau gosse, et ouais quand même, ça compte avec quelques balais, hein, il est toujours là. Ah, Tony Carrera pour José, et c'est pas simple. Eu nem sei de onde vim, de onde vem esta dor que me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, eu estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar. Vai acabar e contra o destino que a nossos dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar. C'est en direct, 7h04 avec le beau Tony Carrera, Pala Simple. Bon, notre ami José qui nous écoute. Salut Alex aussi qui est là, ça me fait plaisir de te retrouver le matin, Francky. Bah moi aussi, on peut se tutoyer si tu veux, Alex. Les actus qui arrivent tout de suite. Par contre, l'essentiel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Sur le 96.2 FM, et puis le retour du masque aujourd'hui pour les CP jusqu'au CM2. Ouais, ça va être obligatoire à partir de ce matin pour ceux qui reprennent le chemin là, des écoles. Le don du sang aussi, du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle, n'hésitez pas, parce qu'en France, eh bien, on manque cruellement de sang. Donc n'hésitez pas de vous rendre dans votre don de sang le plus proche de chez vous, et le plus proche de chez nous là c'est celui de Saint-Jean-de-la-Ruelle, et vous allez pouvoir à partir d'aujourd'hui écrire au Père Noël, et ce jusqu'au 17 décembre. C'est super simple hein, le centre est bien acté du côté de la Gironde, où 60 lutins vont ouvrir vos courriers. Il faut juste mettre une enveloppe timbrée dans la boîte aux lettres, vous écrivez Père Noël dessus en gros, et directement il sera acheminé au centre et vous allez pouvoir faire votre demande de cadeau. Et puis à Fleury-les-Aubrais, ça va se passer ce dimanche, la course du cœur, la Fleurissoise est de retour avec le CJF athlétisme. On aura un invité justement cette semaine, on attend juste la réponse. C'est ce dimanche 21 novembre. Voilà des bons plans dimanche 21 pour courir pour le cœur. Ça fait du bien au cœur de courir, c'est vrai. Du son qui arrive, on est heureux de vous retrouver avec Maluma sur la Radio Couleur. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Eh ouais, Francky au réveil hein. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et pour nous contacter, c'est simple. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48. 00, c'est le numéro du standard. 7h, 9h. Elle sent Maluma pour bien démarrer cette matinée. À la technique, c'est Michel. Regardez, en parlant de Michel, je pense à notre ami Michel qui nous a quittés il y a quelques mois. Une grosse pensée pour lui là-haut. Voici Maluma sur la Radio Arc-en-Ciel. La météo. Et la météo pour ce matin, le temps est plutôt couvert et nuageux avec des soleils, des nuages avec la Madone qui arrive juste derrière. On aura des températures plutôt fraîches ce matin, 4 petits degrés avec quelques gouttes de pluie, des nuages. Le soleil devrait faire son apparition cet après-midi, mais le temps reste corallement couvert. Mardi, mercredi, jeudi, ça va être encore couvert avec de la pluie attendue ce mercredi. La Madone qui arrive sur l'arc-en-ciel avec Vogue. Belle journée et bon réveil. On est en direct, c'est le 96.2 FM, c'est Francky dans la radio et jusqu'à 9h. Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth, gave good face, Lauren, Catherine, Lana too, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Oh, oh. Ça c'est le meilleur album pour moi, Vogue avec Holiday, avec tous ces bons souvenirs des années 80-90. Le matin c'est bien et c'est Francky. Et c'est Francky dans la radio et puis vous savez que c'est bientôt Noël. Et ouais, dans un mois et quelques jours, ça y est, le Père Noël va passer. Mais je le disais tout à l'heure, vous pouvez poster votre courrier de Noël, faire une demande de cadeau. Vous écrivez Père Noël sur l'enveloppe, vous la franchissez hein, au tarif normal et vous l'envoyez par la poste. Il arrivera au centre de distribution des Lutins du côté de Bordeaux. Hein, ils vous répondront, promis. Justement, en parlant de Noël, voici Mariah Christmas avec Mariah Carey, All I Want for Christmas. Bon réveil à Olivier du côté de Saint-Yves, Olivier Joël aussi. Salut à Anime, Animation Karaoké qui est là aussi. Ah, salut. Ah, Antoine qui est là ce matin. Dani, Samantha, belle journée. Bon réveil. All I Want for Christmas. Vous avez été sage, c'est le Père Noël. C'est Francky dans la radio jusqu'à 9h avec la belle Mariah Carey. Quel souvenir radio. Sous la douche, vous aussi, hein, vous chantez bien. Ouais. En général, on chante super bien sous la douche. Hein. Pas mal de gens qui me disent, moi, je chante bien sous la douche au karaoké aussi. Bah ouais. Puis le karaoké, c'est fait pour mal chanter en général. All I want for Christmas for you. Le groupe Ava qui est de retour après 10 ans d'absence. Eh bien, les rois du disco sont là. Et justement, ce matin, on vous a préparé un petit match-up. Le meilleur des titres de Ava en direct à la radio. 7h17. Belle journée et bon réveil. Qui est parti, salut à Enrico aussi du côté de Saint-Jean-Larmel, salut Francky, je me lève et je vais bosser, bah ouais il faut aller bosser ce matin avec Maluma pour vous emmener au boulot, Claire aussi qui est là, merci de ta bonne humeur Francky ce matin, ça fait plaisir, bah oui, côté météo hein, ça caille un petit peu, 4 degrés, couvrez-vous, c'est un petit peu humide, mais le son d'un rayon dans le sol qui arrive, El Predator, El Maluma sur la radio couleur, 7h20, belle journée sous la douche de la radio arc-en-ciel. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino, baby. Claro que tú eres alguien mejor. No sé. Ça fait du bien. El Predator, El Maluma sur la radio couleur. Des bons plans avec la radio arc-en-ciel. On va parler du marché de Noël de Orme en direct. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et c'est Funky dans la radio. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Et ouais, sur la fréquence qu'il vous faut tous les matins pour vous réveiller. Et le marché de Noël de Orme qui aura lieu ce week-end le 20 et 21 novembre, organisé par l'association Plado. Ça se passe au complexe sportif de la Halle sportive d'Outremont à Orme. Ne ratez pas. Je vous donne le programme samedi 20 novembre de 14h à 19h et dimanche 21 novembre de 10h à 18h. Alors, nombreux stands, bien sûr, sur place. Artisans, créateurs, producteurs, bijoux fantaisie, décoration de Noël et plein de choses. Le vin chaud aussi à consommer avec modération, bien sûr. Venez nombreux et découvrir de nouvelles idées et des cadeaux de Noël faits maison. Pourquoi pas? C'est le marché de Noël de Orme à ne pas rater à Orme le 20 et 21 novembre. C'est ce week-end. Allez faire un petit tour. Le Père Noël sera là aussi, et la radio arc-en-ciel sera là aussi. Romain Bangkok s'arrive, et puis des sons qu'on adore et qu'on adorait en club. Ça va vous réveiller. Je veux te voir nu sous la douche. Bon, heureusement d'ailleurs. Voici Yel, le meilleur des souvenirs. Je veux te voir. Quel souvenir de discothèque. On a fait la fête là-dessus. Belle journée et bon petit déj à vous, 7h24.

à la fin. Il est énervé, Jean-Louis Aubert. Louis Bertignac, dans les fins 80, avec ses idées-là. Plein d'idées aujourd'hui. Salut à John qui est dans son camion, qui nous écoute sur, sur l'autoroute. Et il a mis l'application. Ouais, salut mon John, belle journée, bon réveil. Et courage pour les routiers justement qui sont là depuis 5-6 heures, qui vont livrer tous les magasins pour amener vos cadeaux de Noël. Et justement, il y a des problèmes de livraison en ce moment pour les jouets de Noël. C'est ce que dit un représentant en France. Il n'y aura pas toutes les disponibilités. Donc prenez les devants maintenant. Les bons plans, actu, musique et sortie. Et puis surtout l'info qui arrive. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Eh oui, le 96.2 FM qu'il vous faut tous les matins pour vous réveiller. Les masques sont de retour dans les écoles du CP au CM2. Eh ouais, hein, les enfants, n'oubliez pas votre petit masque ce matin si vous rendez à l'école à partir du CP. Et ce, jusqu'au CM2, ça c'est quasiment obligatoire, même obligatoire. Le don du sang, on est en manque en France cruellement. Il faut faire des dons du sang. Le centre le plus proche aujourd'hui, c'est celui de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Et bientôt à Fleury-les-Aubres, s'il y aura une prochaine date que je vous communiquerai. N'hésitez pas à donner votre sang et c'est totalement anonyme bien sûr. Le Père Noël, vous allez pouvoir lui écrire à partir d'aujourd'hui. Ça y est, vous allez poster votre lettre qui va partir dans le centre fort du Père Noël du côté de la Gironde où 60 lutins ouvriront vos petits courriers et vous aurez une réponse. Et ouais, vous avez jusqu'au 17 décembre, alors c'est pas compliqué. Vous prenez une enveloppe, vous la timbrez, vous écrivez en gros dessus Père Noël, vous la postez dans n'importe quelle boîte à lettres et elle arrivera au centre de distribution du Père Noël. Voilà les enfants, une bonne nouvelle. Et puis la course de Fleury-les-Aubrais, la course du cœur qui reprend la Fleurissoise, ça sera ce dimanche à Fleury-les-Aubrais, ce dimanche 21 novembre, une belle course plein de chaleur et de bonne humeur. Ne ratez pas la Fleurissoise, c'est ce dimanche. On aura un invité cette semaine justement pour en parler. Je vais vous communiquer le jour dans quelques minutes. Alex Barrera avec le Messer Latino. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. bara, bara, bara. Assim, ó, bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Sur la radio couleur, 7h39, Stéphane qui nous écoute au boulot, salut les amis. Et puis je suis un peu déçu parce que la comédie musicale de Sardou ne passe pas par Orléans, c'est dommage. En tout cas, une belle réussite sur scène qui cartonne sur toute la France. On écoute le medley, le meilleur de Michel Sardou, avec cette belle comédie musicale en tournée dans toute la France, sauf Orléans. Hein. Sur la gamme qui bat du grand sourire en larmes. J'ai marché Madison, la 5e et Central Park. Le ciel crachait des bouffées de Havane. Petit garçon, je repassais mes leçons. Quand j'entends, et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. Quand j'entends, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Quand j'entends, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. Quand j'entends, c'est moi, désespérant en chantant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang. Toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel. On se croirait un mariage, là, non? Heureux d'être là, là-bas, au Connemara. Ah ouais, on se le finit? Bah ouais, on part, allez. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Coucou à Stéphanio qui nous écoute. Stéphano, pardon, du côté de Saint-Jean-de-Marvel. Merci Francky d'être là. La comédie musicale qui passe pas par Orléans, mais bon, un petit extrait, ça fait du bien. Marquito qui sera bientôt notre invité à la radio. Et on l'adore. Olo Zetano, belle journée, bon réveil. Côté météo, ça caille un petit peu, 4 degrés. Quelques gouttes de pluie ce matin, des nuages et quelques rayons de sol avec Marquito. Pra ganhar notas, tô desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora nunca é sacada. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu devo ver. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, nunca atacada, chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu devo ver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Un autre de Portugal qui sera bientôt notre invité. Marquito dans les salles de la radio, je vous donnerai la date prochainement. Ouais, ça va être du très très lourd. On est là, c'est Francky jusqu'à 9h. Et ouais, le son Latina qui arrive. On aura Daddy Yankee. Et puis ça j'adore, c'est Lazara, tu t'en iras. Et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil la famille. Coucou à José, encore à José, il y a que José ce matin. Salut mon José. Coucou à Fernando aussi qui est là, qui est au boulot ce matin. Francky, merci d'être là. Lazara, tu t'en iras. C'est sur Radio Arc-en-Ciel, 7h47. Même sans goûter, même sans goûter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois, que j'aime être contre toi. Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres, marron toi. Tu t'en iras. Je me sens brûlée, du mal à m'expliquer. assez long, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce que ma faute, est-ce que la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé. Tu grandiras comme tous les autres en avant toi. C'est trop d'efforts, ça me dévore et y'a rien qui change. J'ouvre le décor, j'ai plus la force. Radio France en direct avec Lazara, et ça on adore sur la radio couleur. Franchement, c'est un gros kiff, hein. Tu t'en iras. Elle arrive du Canada, hein. Bah ouais, on dirait pas une petite voix là, un peu là. Edith Piaf derrière, vous avez pas reconnu. Le carton, en ce moment, l'hiver arrive, et bien le tube de l'hiver, il est là. Voici DJ Snake sur Radio France. Get the tail. Sexy girl, let me make you a shake. bon ça pour l'hiver. Hein. Ça aurait été mieux cet été. Bah bon, on va pouvoir aller au ski avec ça, hein, descendre les pentes avec le son de DJ Snake sur la radio française, DJ français d'ailleurs. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Côté météo, eh bien ça va, ça se maintient ce matin. La météo. Et la météo ce matin, les températures démarrent avec 4 petits degrés au lever du jour, pas mal de nuages, hein, quelques petites gouttes de pluie ce matin. Le soleil devrait faire un petit peu son apparition, ça va être assez nuageux, on va pas dépasser les 9-10 degrés. Demain, ça sera encore nuageux, après-demain encore, normalement, le soleil devrait un petit peu revenir, ça sera à partir de mercredi, voire jeudi, voilà, du beau temps, normalement, Amir qui arrive sur la radio couleur, et ouais, il avait gagné presque l'Eurovision il y a quelques années, il est arrivé 6e, hein, voici longtemps. Le remix de la radio, et ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin jusqu'à 9h. Et l'horoscope qui arrive dans 5 minutes. Amir! De Amir version Zouk, sympatoche cette version remixée par un petit DJ parisien. Ça fait du bien au réveil comme ça. Vous qui venez de vous réveiller, qu'allez au boulot ce matin, belle journée, bon courage. L'horoscope qui arrive sur la radio couleur. L'horoscope, c'est maintenant. Et ouais, l'horoscope, on démarre avec les béliers. Vos amis ne vous appellent plus et vous vous sentez délaissé. Mais pourquoi pas, ne faites-vous pas le premier pas? Bah oui, des fois, ça ferait du bien de faire le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Ça serait à vous de faire le premier pas. Les taureaux, pour continuer, vous devriez vous sentir épanoui dans votre vie professionnelle et personnelle aussi. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu d'effort. Ouais, des fois, ça fait du bien de faire des efforts. Les gémeaux, les relations avec les enfants et amis sont détendues et chaleureuses aujourd'hui. Les cancers, les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses. Les lions, vous avez les moyens de nouer un lien d'amitié avec un proche, alors foncez ce matin. Les vierges, vous passerez sans raison du rire aux larmes aujourd'hui, alors pourquoi? Eh bien, this is the question. Réfléchissez un peu les vierges des fois. Ouais, peut-être un petit souci dans la famille ou pas, on va voir. Les balances célibataires, si vous aimez les relations sans entrave, eh bien vous serez servi aujourd'hui, alors foncez les balances. Les scorpions, ambiance familiale tonique ce matin et animée dans laquelle vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Les sagittaires, vous avez l'art de faire régner un climat tonique dans votre vie familiale et de multiplier de bonnes surprises. Les capricornes, vous vous sentirez très attirant aujourd'hui ou attirante. Vous ne passerez d'ailleurs pas inaperçu et vous vous sentirez un petit peu à l'aise ce matin. Eh ben foncez, allez-y les capricornes. Les Verseaux, votre partenaire saura vous encourager et vous en aurez besoin aujourd'hui et de boire beaucoup, beaucoup de café, avec modération bien sûr. Et les Poissons, votre fond de possessivité s'éveille malgré vous. Vous tentez à commettre des maladresses et à vexer votre partenaire. Alors soyez vigilants les Poissons ce matin. Du son qui arrive avec le reggaeton et on l'adore sur la radio couleur. El Daddy Yankee, Loque Paso Paso. Bon réveil et pour nous joindre, c'est pas compliqué. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard sur les passes à l'antenne. Voici Daddy Yankee à 8h du matin. Souvenir, le meilleur du son latina, c'est le matin à 8h03. Coucou à Hervé qui arrive au bureau, aussi. Ouais, ça c'est au bord de la mer les bureaux. Et salut moi Hervé, merci Funky pour Daddy Yankee. J'arrive juste au bureau et c'est la fin. Bah ouais mon ami. Et puis le meilleur des souvenirs à l'époque en 2000. Quel groupe, un duo formidable, Mike et Chris. Voici Organize. Can we talk about you? C'était les années 2000 et c'était le meilleur son sur la radio arc-en-ciel. Écoutez. Quel souvenir. Forcément, ça me rappelle de bons moments avec Organize. 8h04. Belle journée.

Shakira. Shakira. C'est un long week-end, c'est ce que nous dit Julie. Compliqué le boulot ce matin, Francky. 4 jours de repos et ça y est, retour à l'EHPAD. Ouais, faut bosser ce matin, heureux d'être là. C'est Francky dans la radio avec les bons plans sortis et l'actu. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. 96.2 FM, la fréquence qu'il vous faut. Puis le retour au masque ce matin pour les CP jusqu'au CM2. Le masque est obligatoire maintenant. Bah ouais, hein, ça a un petit peu monté le Covid en France. En Autriche, justement, les non-vaccinés seront reconfinés à partir de ce soir. Et ouais, ça c'est la mauvaise nouvelle pour l'Autriche. Les dons du sang, on en manque cruellement en France. Et n'hésitez pas à faire des dons du côté de Saint-Jean-de-Laruelle, par exemple, votre centre le plus proche à Orléans. N'hésitez pas à vous rendre, faire un don. C'est totalement anonyme parce qu'on manque cruellement de sang en France. Le Père Noël, vous allez pouvoir lui écrire à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 17 décembre. C'est super simple. Vous prenez n'importe quelle lettre, vous la postez au Père Noël. Ça part direction le centre du Père Noël où 60 petits lutins vont ouvrir vos courriers en Gironde. Et là, vous pouvez faire votre demande de cadeau. Bien sûr, vous serez avec une petite réponse obligatoire. Normalement, ils répondent à tout le monde. Et ça, c'est jusqu'au 17 décembre. Vous postez une lettre dans n'importe quelle boîte à lettres. Postez, bien sûr, avec le timbre. Hein. Bah, n'oubliez pas, ouais, sinon il n'y arrivera jamais. Et dessus, vous écrivez juste Père Noël. Et là, ils vont le recevoir d'ici une petite semaine. Du côté de Fleury-les-Aubrais aussi, la course, la fleurissoise qui aura lieu. C'est ce dimanche 21 novembre. Le retour de la fleurissoise. niçoise, la course au cœur. Ne ratez pas ce bel événement. On en parlera justement au téléphone avec un des responsables. Ce sera certainement demain en direct ou mercredi à la radio avec un des responsables de la course, la Fleurissoise. Belle journée et bon réveil avec le meilleur des souvenirs. L'été 86, il avait marqué notre jeunesse. Gérard Blanc, une autre histoire sur la radio couleur. Bon petit déj pour ceux qui viennent se réveiller. 8h15 sur la radio couleur. Quel souvenir, c'est ce que me dit Karl. Il me dit Francky, là tu nous as mis un coup de vieux là. Ça me rappelle ma jeunesse, l'été 86. Gérard Blanc, une autre histoire sur la radio couleur du son qui arrive pour bien vous réveiller avec Sébastien. Belle journée, 8h19, sous le soleil de la radio couleur. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hay extraña. los ignoraba, simplemente todo arraquedó en la nada, se lo hacía ella a los ojos. Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tiene sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quita la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente. De son latino, le matin 8h22, Sébastien, mes corazons latina. Heureux d'être là, Francky dans la radio, salut à Doudou, Doudou qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bresse, salut mon ami, belle journée, Francky, sous le soleil. Ah non, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, justement, on va en parler. La météo. La météo sur René Franciel, eh bien le temps est plutôt couvert ce matin avec quelques gouttes de pluie. Prudence dans les campagnes avec un petit peu de brouillard ce matin. Côté température, 4 petits degrés au lever du jour, on ne dépassera pas les 9-10 degrés. Des nuages et quelques rayons d'où le sol tout à l'heure, mais très très timide. Hein, le soleil devrait revenir normalement si tout va bien. Jeudi, demain, temps couvert encore malheureusement. Donc prévoyez la petite laine au réveil ce matin avec Francky et Goldman qui arrivent avec... Salut, bien, cela est le couleur. C'est le Canada qui est à l'honneur. 8h23 minutes. Je vais te dire. swing le matin sur la radio française, 8h25 avec Nanda Calibou, Salam Dian et Jean-Jacques Goldman. Gilet Rotué là. Bienvenue sur la Décrédalar. 8h25, on est bien avec du son qui arrive à Tibi. Et puis vous de côté de la radio, merci d'être là, mais merci d'être aussi nombreux le matin. Ça nous fait plaisir, les bons plans de la radio, ça se passe à Orme, on vous en parle tout de suite. 7h, 9h, votre réveil matin. Et ne ratez pas ce week-end plein de marchés de Noël qui vont démarrer, et notamment ce week-end, le 20 et 21 novembre, ça se passe à Ormes, organisé par l'association Plado, au complexe sportif Salle d'Autremont. Samedi 20, de 14h à 19h, et dimanche 21, de 10h à 18h, nombreux stands d'artisans, créateurs, producteurs locaux, bijoux, fantaisie, décorations de Noël, etc., etc., plein de belles choses, le Père Noël, le vin chaud sera au rendez-vous. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc venez passer un bon moment à Orme. C'est ce week-end, le samedi et le dimanche. Une belle journée sous le signe de Noël avec, bien sûr, le Père Noël. Oh, oh, oh. Vous avez été sage, vous, cette année. Vous aurez des beaux cadeaux, j'espère. Du son qui arrive avec Atibi et on adore. C'est sur la radio couleur. Belle journée sous la pluie, malheureusement, ce matin, sous les nuages, mais le soleil devrait faire son apparition. Voici Atibi et c'est You Love sur la radio couleur. 8h26 minutes. On est en direct, 96.2 FM, ça me fait plaisir de vous retrouver jusqu'à 9h. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide, remember all the words that you said. Stop looting, stop shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See, me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Avec le king de la guitare quand même, hein, Carlos Santana, sur la radio couleur, en belle journée. Bon réveil, courage à vous si vous allez bosser. Ouais, pas facile, c'est ce que me dit Mario. Mario d'Orléans, salut Francky, 4 jours de repos, je reprends ce matin, c'est dur, dur, dur. Ouais, des bons plans avec la radio. Rayon notre soleil, invité, mercredi. 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et justement, on vient d'avoir la réponse, là. Il sera notre invité au téléphone. Ouais, parce qu'il y en a qui bossent quand même, ils peuvent pas tous venir à la radio. Il nous a consacré quelques minutes, ça sera mercredi matin. À 8h15, 8h30, Franck Guillon qui s'occupe de la course à Fleury-les-Aubrais, la Fleurissoise qui aura lieu ce dimanche, et bien il va nous parler en direct de la course au cœur ce dimanche à Fleury-les-Aubrais. Il sera notre invité au téléphone mercredi 8h15, 8h30. Franck Guillon, merci d'avoir accepté notre invitation, ça me fait plaisir. Et puis du son qui arrive, et là forcément, aïe, ça va vous parler dans les oreilles pour les anciens qui nous écoutent ce matin, les années 80. On adore sur la radio couleur. Jermaine Jackson, Piazzalera, When the Rain Began to Fall. Belle journée et bonne semaine sur la radio Arc-en-Ciel. rigole parce qu'en même temps je me mate le clip en même temps sur internet. À l'époque ça tue les clips quand même. Ah ouais, les bagarres et tout ça déchire. Hein. Allez voir le clip sur internet là, German Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. C'est un titre qui reste phare dans les radios. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Francky dans la radio et puis je viens de voir en Allemagne une ville qui a une bonne idée. Ça s'allume en Allemagne, une belle initiative. Ils ont créé des capsules pour les sans-abri. Vous savez, quand il y aura les grands froids, ils vont en mettre un petit peu partout dans la ville et il y aura une quinzaine de capsules. Et en cas d'urgence, eh ben, les personnes sans-abri pourront se bloquer au chaud pendant au moins une ou deux nuits à l'intérieur. C'est plutôt une bonne idée, voilà. Et ça sera suivi, bien sûr. Hein. C'est innovateur et ça vient juste d'être mis en place. Ils vont faire un test. Et peut-être qu'après, ça sera un peu sur toute la planète. Et ça serait bien pour les sans-abri. Je vous rappelle, hein, si vous croisez un sans-abri, malheureusement, vous faites le 115, le SAMU, le numéro du SAMU, et vous les appelez, vous leur dites 115, hein, pas le 15, 115, oui. Et leur dites, voilà, il y a un sans-abri qui est là, il faut l'aider. Oui. Voilà. Heureux d'être là, Francky dans la radio, du son qui arrive, et puis le soleil, normalement, sera un petit peu présent aujourd'hui, mais très timide. Dadju, il va vous enfiler un petit coup de soleil, avec mon soleil. Bienvenue sur la radio couleur, 8h38 minutes, on est en direct. Let's go, mon soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil, on va goûter la vie en entrée de la misère. Let's go, mon soleil, si c'est pas toi c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit, les hommes superficiels pour toi c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui, n'importe qui. Au débit, la connexion c'est forcément du haut débit. Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady. J'ai comment pimenter le reste de ta vie. Oui, t'es rentré, tu veux plus sortir de ma tête. Je suis bien partout avec toi pour être honnête. C'est autour de toi que tourne ma planète. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plaisir. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Y tú tenías razón, yo tenía mi atención. Perdí tiempo y nunca llegué al corazón. Sé bien lo que yo me merezco. Yo contigo sin miedo yo me arriesgo. Porque así la vida es así. Bendición es tenerte aquí. Vamos a seguir el momento. Dejo libre todo, y todo lo que siento yo. Como una estrella. Jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plaisir. Let's go, mon soleil. Si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Let's go, mon soleil. Abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. Et on se dirait bien là au bord d'une piscine avec un cocktail sans alcool, tranquille, en train de bronzer. Peut-être vous, hein, il y a Edouard qui est au Portugal. Ah salut, qui nous écoute sur internet, ça fait plaisir. Comme quoi, il fait beau au Portugal apparemment. J'espère. Envoyez-nous des messages, appelez-nous, tiens. 02 38 43 48 00, c'est le numéro de la radio. En espérant que vous avez passé un long et bon week-end, parce qu'il était long le week-end, hein. Mais ça fait du bien de se reposer un petit peu. Salut Joël, salut Olivier. Et je vous rappelle le marché de Horn, c'est ce week-end, hein, le 20 et 21 novembre. Ne ratez pas, avec plein d'artisans, plein de bijoux, plein de décorations de Noël. Et puis le Père Noël, sera là. Ça se passe à Orme ce week-end. I'm Alive, la belle Céline Dion, qu'on adore à la radio, la québécoise. Avec I'm Alive, ce petit remix qui est plutôt sympatoche. Belle journée, 8h40 minutes, sur la radio couleur. C'est Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. I can't wait to fly. I feel that. était plutôt pas mal dans le clip, hein. Céline Dion, I'm alive, non, la Calibou, la québécoise qu'on adore sur la radio couleur. On est là jusqu'à 9h, on est là. Et puis, JP qui vient d'arriver dans les studios. Ouais, ça me fait plaisir de le voir, JP. On va parler avec nous dans quelques minutes. Le son de J Balvin sur la radio couleur. 8h44, Latina, el mejor de la música. Belle journée. Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero qué más pues, qué ha habido. Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que... estás, dime a ver, a ver. Me perdiste de vista, ahora con otro con quien me sigue en la pista. Ey, algo si no me incita, da mucha vuelta, parece motociclista. Ey, ninguna con este porte, tengo este booty si no hace deporte. No, no, no, nada más es que me importa, porque mi brújula ya cambió su norte. Cambió desde que te fuiste tú, papi. Para ti no se acabó lo que esa noche nos dimos, ay, lo que esa noche nos dimos. Oh, no, que lo que sé que quieres saber. ¿Dónde tú? Ay, dime, mami, que la que hay. Esa night te queda nice, oh. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu side. Saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. Siendo el mismo engreído, nada personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. Y ahora que más pues, me he ido. Ya es suficiente lo que tú has comido. Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. That it will only être chanteur. Eh, non? Là, va s'énerver, là. Oh. Alicia Keys, tu connais, toi, Alicia Keys? Oui, c'est une copine, ça. Ouais, c'est une copine. C'est une ex. C'est ça, j'osais pas le dire. Ah ouais, c'est une ex à toi. Bah oui. On va discuter avec ta femme tout à l'heure, hein. Elle va nous appeler. Hein. Elle écoute pas encore. Ah bah ça va. Allez, non, je plaisante, elle écoute. Elle est... ouais. Et j'ai le Père Noël, écoute avec nous. C'est bientôt Noël, les enfants. Bonjour, les enfants. Savez-vous qui je suis? Alors. Le Père Noël. Je tenais à vous annoncer moi-même que je viendrai vous voir ici à Yventou-Neuvik samedi. Je pense que c'est Yventou-Neuvik. C'est où ça? Je sais pas, je sais, mais. Non, j'ai fait ça, sur Internet, je sais pas ce qui se passe. Ça débloque. En tout cas, c'est bientôt Noël, ça, on voulait vous le dire. Hein. Ah ouais. Bah, et ça... puis là, les chansons de Noël, ça va y aller. Ah ouais, ouais, bah, là, on va se taper à la radio, on va se taper tous les trucs de Noël, là. C'est ça, alors ouais. Que ce soit en version portugaise ou. Ah ouais, française. Les jingles de Noël, non, mais ça va plutôt être pas mal. Alors, Jean-Pierre, ça va ce matin? T'as passé un bon week-end? Bien, et toi? Tu as profité du jour férié et tout ça? Tu t'es reposé un petit peu quand même? Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Et toi? Bah écoute, ouais, un petit peu aussi, on va dire. Hein. Ah, long week-end. Long week-end. Ah, il y en a qui en ont profité, il y en a qui ont bossé, voilà, il y a de tout. Hein. Bah après, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. C'est ça. Voilà, t'arrives à 9h, mon ami? Ben oui, mais belle oui. Émission, une belle émission depuis combien de siècles? Eh bah écoute, je calculais l'autre jour. Ah, calculé. Mais oui, j'essaye un petit peu. Ouais. Ça fait 16 ans que je suis ici quand même. Ah la vache. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit. T'as grandi ici, t'es né dans les studios, toi. Eh ben écoute, moi, initialement, j'ai démarré ici, j'avais 12 ans, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais. D'accord, ouais. Ah ouais. J'en ai 28 maintenant, donc... T'as grandi dans la radio. C'est ouais, ça. Ça passe vite, hein, en tout cas, ouais, les années passent vite. Sur la radio, j'ai du mal le matin. C'est le lundi, c'est... Ça arrache les cordes vocales. Ouais, c'est ça, voilà. Eh bien, l'émission qui va... La mobilette, elle est partie, ça y est? La mobilette est partie, merde. Et puis il y a des offres d'emploi. Voilà, toujours voilà. L'entreprise de maçonnerie qui recherche un maçon. Bah, trouve pas comment ça se fait. Un restaurant qui recherche une serveuse. Et puis une entreprise de ravalement qui recherche un ravaleur aussi. Un ravaleur, ah c'est ce qu'on dit ça, un ravaleur. Ouais, ouais, ouais. C'est le mec qui fait des quoi, les ravalements. Les ravalements. C'est ouais. Quoi parce que je connais pas grand chose moi. C'est refaire les mours. C'est ça, tu fais le mour. Avec la trouelle. Une fois que t'as posé le parpaing. Ouais. Tu fais le mur. Ah d'accord, tu fais l'amour. C'est ça. Le mur ou l'amour. Tu fais l'amour au papa. L'amour au papa. Ah pas, ça va faire mal ça. Oui. Donc recherche d'emploi et puis des bons plans aussi, des titres qu'on peut demander chez toi. Ah oui bien sûr. Alors, rare, hein. En radio c'est rare maintenant. Hein. Non ouais c'est vrai j'aime bien, je kiffe faire ça en fin de compte. C'est les gens appellent, ils demandent la chanson qu'ils souhaitent entendre. Et comme tout est possible, et ils entendent leur titre. Bah voilà, donc si vous voulez écouter un titre, c'est en général des titres portugais. Oh, ouais, bah non, alors français aussi. Je demande. Hein, moi, même une chanson paillarde, pas de problème. C'est vrai, ça ils vont gueuler là. Je sais même pas si on a le droit de jouer des chansons paillardes, je crois pas. Hein. Si, tu as oui, je pense. Ah ouais, il faudrait qu'on se renseigne. Ouais, faudra mettre des bips. Tout le long, ça va faire ça. Jean-Pierre dans 5 minutes là. Ouais, bien sûr. 9h, après les 15 minutes de pub. Exactement, donc ça se tend d'aller boire 2-3 cafés. Oh là, plus que ça. J'ai du café, si tu n'en veux pas. Merci. Arrêtez de me piquer mon café, ça m'arrangerait à la radio. Ah oui, c'est lui, c'est Zazette. Ah ouais. Non, je suis gentil, moi, c'est open placard, moi, vous pouvez vous servir. Hein. Ah. Après, faut en remettre des fois. Hein. Ouais, c'est ça qui serait sympa. Moi, vous servez, mais vous en remettez un petit peu. Hein. Mettez des dosettes, s'il vous plaît. Voilà, et des Senseo. Pas des dosettes de merde, parce que le jour, on m'a remis des dosettes, waouh, dégueulasse le café. Ah ouais, non, sérieux. Jean-Pierre, avec l'émission Vers Matin. Alors, Vers Matin, je voulais savoir, pourquoi il y a Vers Matin? Ça vient d'où? C'est la pelouse? C'est quoi? Non. Alors, c'est quand j'avais 12-13 ans, ouais. J'avais le créneau horaire que tu as maintenant, à l'époque, et c'était, tous les matins, pareil, de 7h à 9h. Mmh. Et le responsable d'antenne qui était là à ce moment-là, on cherchait un titre d'émission. Il m'a dit, écoute, tu fais les émissions tous les matins. Ouais. Et puis, il dit, et puis on va dire vert. Et puis, c'est resté Vers Matin. Voilà, donc c'est vraiment un titre qui est... Et puis, j'ai toujours conservé. Après, j'ai fait un break à 17 ans en quittant Orléans. Ouais. Et après mon retour sur Orléans, une dizaine d'années après, je suis revenu ici. Enfin, on m'a contacté pour revenir à la radio. Mmh. Et puis ensuite, Vers Matin est arrivé. J'ai continué à garder ce titre de Vers Matin. Bah voilà, une belle émission qui arrive dans 5 minutes. Voilà, après 4, la pub. 4. Parce qu'il y a au moins 4 minutes de pub. Au moins 5 minutes, 5 bonnes minutes, ce qui va nous laisser le temps de discuter tranquillement en rantaine. Pas de problème. Merci Jean-Pierre, à tout de suite, Vers Matin. Et la radio vous remercie pour le bal, justement, on vous en parle. Uma vez mais, la festa de Radio Arc-en-Ciel foi un excelentissimo sucesso. Tudo isto graças a um pouquinho de cada um. Oui, c'est grâce au bon vouloir de chacun de vous, de nous, que la fête de la radio arc-en-ciel fut un succès. Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle, aux animateurs et aux bénévoles qui ont œuvré pour cette réussite. Aux chanteurs, aux Nelson Costa, au groupe Enigma, au groupe folklorique Jmignoteuse de la Chapelle et la Ronda Mignota pour ce spectacle d'exception. Au public présent, venu des quatre coins de la France et du Portugal. Sans oublier nos partenaires sponsors. Et un grand merci aux établissements Mariano à Semois, Pedra Alta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Polo et Maria à Fleury-les-Aubrais, Barra Pizza à Chingy, Sodor Tipico à Fleury-les-Aubrais, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à Top Speciality Café Tropical à Olivet, Aldora Construction à Fleury-les-Aubrais, RPG International à Orléans, Soditra Sodiloc à Fleury-les-Aubrais, Vite et Couverture à Ingré, AS Sécurité à Saint-Jean-de-Bray, Aurélec à Orléans, SARL Ravalement Carrelage à Brésienne à Saint-Jean-de-Bray, Taquiste Peintre Sergio Dominguez à Terminier, Entreprise Olivera à Olivet, l'entreprise Antares à Orléans. Un grand merci à tous. Un muito obrigado a todos. Et oui, l'Union portugaise d'Orléans est de retour avec ses grillades tous les samedis et dimanches matin sur réservation uniquement. Poulet grillé et travers de porc à 7 euros. Porcelet à la broche, 110 euros. Réservez vite au 06 03 68 62 55. Et surtout, n'oubliez pas de venir soutenir nos équipes de football de l'Union portugaise d'Orléans.